Le Salon Noir. Du sang bleu, même Adélaïde de Clermont-Tonnerre vient de l'adouber dans son éditorial de Point de vue Image du Monde. C'est dire l'importance de cette découverte celtique, puisque la noblesse française puise ses origines dans le Moyen-Âge de Charlemagne et des Croisades, au grand jamais dans la noblesse gauloise, collaboratrice et vaincue à Alésia. Il se dénomme désormais le prince de Lavaux, bourgade dont on aurait pu penser qu'elle fut sans passé, sans destin. Et pourtant, près d'un rond-point d'une départementale, reposait depuis 2500 ans la dépouille d'un puissant potentat local, en lien avec la Grèce de Périclès, l'âge d'or d'Athènes. Pour tout savoir sur cette trouvaille que les archéologues ne pouvaient rêver, trois invités, tous membres de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'établissement public en charge des fouilles et des recherches qui en découlent. Bastien Dubuis, Patrick Pion, Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Archéologue proto-historien, Bastien Dubuis, vous êtes le redécouvreur, le responsable d'opération dans le jargon de l'archéologie préventive. Habitué du Salon Noir, maître de conférence à l'université de Nanterre Paris 10, Patrick Pion, vous êtes directeur scientifique de cet institut, au téléphone, son président. Dominique Garcia, vous êtes aussi professeur à l'université d'Aix-Marseille. Bastien Dubuis, quand avez-vous terminé ce chantier extraordinaire? Que reste-t-il d'ailleurs aujourd'hui sur le terrain? Alors la fouille s'est terminée il y a 3 semaines, le 10 avril. En réalité, c'est une fouille qui a duré très longtemps, près de 6 mois. On l'a commencé en octobre 2014. Et puis donc, on ne s'attendait pas à cette découverte. Donc à l'origine, on devait fouiller des aménagements funéraires de l'âge du bronze, de l'âge du fer. Mais il n'était pas prévu que l'on fasse cette découverte. Alors justement, l'archéologie a ses surprises. Rien ne stipulait la présence d'une tombe princière dans cette plaine de l'Aube à quelques kilomètres de Troyes. Qu'est-ce que l'on avait au début? On avait déjà fait des tests, on avait déjà regardé un peu. Éventuellement, le terrain pouvait être intéressant avec peut-être de l'âge du bronze, du gallo-romain, un peu de gaulois. Oui, tout à fait. Alors il s'agit d'un espace périurbain qui est régulièrement investi par l'archéologie préventive. Donc des diagnostics, quelques fouilles qui ont révélé effectivement depuis quelques années un espace funéraire qui est occupé au moins depuis le début du bronze final, donc vers les 14e ou 13e siècle avant notre ère. Et puis donc sur la fouille elle-même, effectivement, à l'origine, il y a eu un diagnostic archéologique en 2012, donc diagnostic de l'INRAP qui avait révélé la présence d'enclos funéraires de l'âge du bronze et puis surtout la présence de très gros fossés qui à l'époque n'étaient pas réellement identifiés et qui se sont révélés en fait être les vestiges du monument funéraire du prince de Lavaux. Bastien Dubuis, de ce que vous aviez donc au début, ce sont des sortes de grands fossés, des sortes d'enclos. C'est une chose assez fréquente dans cette région de Troyes et de la Champagne. Peut-être aussi la présence d'un tertre de terre, ce que l'on appellerait dans ces cas-là un tumulus. Donc effectivement, au cœur de la nécropole, on a un monument de très grande taille qui fait près de 100 mètres de long, donc près d'un hectare de superficie, qui est délimité par des fossés de près de 3 mètres de profondeur, 6 à 8 mètres de large à l'ouverture. Ces fossés d'enclos, ils délimitent en fait un monument, un tertre d'assez grande taille, près de 40 mètres de diamètre, et qui était partiellement conservé en élévation, donc ce qui est plutôt rare dans ce type de contexte. Et ce tumulus, il renfermait une chambre funéraire d'assez grande taille, puisqu'elle s'étend sur près de 14 mètres carrés. Et puis, chose inattendue, cette chambre funéraire était restée inviolée jusqu'à présent. Alors justement, un tumulus de 40 mètres de long, c'est quelque chose déjà de très particulier dans cette partie de la France, ou c'est assez fréquent? Ça fait partie des grands tumulus qu'on va trouver au nord des Alpes à la fin du premier âge du fer. Il y a effectivement des monuments de plus grande taille. Certains atteignent plus de 100 mètres de diamètre. Donc on a quand même affaire à un monument de grande taille et assez particulier justement en raison de la présence de ces grands fossés qui matérialisent en fait deux enclos, un enclos pour délimiter le tumulus et un deuxième enclos pour délimiter les monuments plus anciens de l'âge du bronze, du premier âge du fer. Donc il y a un vrai processus d'intégration des monuments anciens, peut-être un culte des ancêtres. En tout cas, qu'est-ce qu'il restait de ce tumulus? Est-ce qu'il s'inscrivait encore, par exemple, dans le paysage? Oui, c'est une bonne question. Alors, quand j'ai commencé le décapage, donc il y a un peu plus de 6 mois, il restait un petit relief dans le paysage d'un peu moins d'un mètre de haut. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, ce tumulus, il faisait plusieurs mètres de haut, peut-être 5, 6, voire 10 mètres de haut. Donc, il était malgré tout très arasé, mais il a traversé les âges en marquant ce paysage et en matérialisant le monument principal, donc le cœur de cette nécropole protohistorique. Et pourquoi a-t-il été arasé ? Alors, d'après les données de la fouille, on suppose qu'il est resté figé dans l'espace pendant de nombreux siècles. On a des raisons de penser qu'à l'époque romaine, il y a un petit monument construit à son sommet. Et puis, vers le 3e, 4e siècle de notre ère, la vocation funéraire dans la nécropole est abandonnée. Et il faut attendre sans doute plusieurs siècles au cœur du Moyen-Âge pour que les monuments funéraires protohistoriques soient détruits. On a des indices de destruction vers le peut-être 11e, 12e siècle, où les monuments funéraires, donc les tumulus, sont détruits, sont étalés, sont remblayés. Voilà, ils sont arasés, de manière peut-être à remettre les terrains en culture. Il y a des prélèvements de matériaux, par exemple, durant ce Moyen-Âge. On prélève de la terre, on prélève de la pierre. Voilà, donc il faut savoir que ces monuments funéraires, ils sont construits intégralement ou presque en terre. Donc c'est la terre de surface qu'on décape et qu'on rassemble de manière à former un tertre. Donc c'est à l'origine de la bonne terre, de la terre arable. Et donc ça pourrait expliquer effectivement ce processus au Moyen-Âge où on vient étaler ces sédiments, on vient combler les espaces entre les monuments, de manière à apaiser, disons, la topographie du terrain et à remettre en culture. Et puis, au centre donc de ce tumulus, la chambre funéraire. Se voyait-elle bien, par exemple, au sol? Vous avez tout de suite pensé qu'elle était intacte ou tout au contraire qu'elle était pillée de longue date, notamment durant ce 11e siècle, hein? Alors, effectivement, la tombe, la chambre funéraire apparaissait dès le décapage. Donc, dès qu'on a enlevé la terre végétale, on a observé en surface une tache quadrangulaire qui faisait un peu plus de 4 mètres de diamètre, qui était assez régulière, et au sommet de laquelle on pouvait observer en fait les négatifs, les empreintes de grandes poutres en bois qui constituaient en réalité l'ossature du plafond de la tombe. Et donc tous ces vestiges étaient de bonne conservation en apparence, et la fouille a révélé qu'effectivement il n'y avait jamais eu de pillage au cours du temps. Sans doute que le tumulus a joué son rôle protecteur pendant des siècles et des siècles, et que peut-être justement l'arasement du monument à l'époque médiévale l'a fait suffisamment disparaître pour qu'on oublie sa vocation funéraire et que personne ne pense à venir piller la tombe. Parce que vous, en débutant ce chantier, vous ne supposiez absolument pas qu'il puisse y avoir une chambre funéraire avec une tombe princière à l'intérieur. Non, c'est tout à fait inattendu. Donc c'est quand même le fruit du hasard. Oui, c'est le fruit du hasard. C'est aussi grâce au grand décapage de l'archéologie préventive qui permettent d'avoir des sites dans leur extension et puis effectivement de tomber de temps en temps sur des choses un peu extraordinaires. Vous avez mis 6 mois à descendre petit à petit donc le toit de la chambre funéraire, tout l'effondrement et les terres rentrées dans cet espace qui devait être ouvert au départ. Tout à fait. Donc la tombe s'est effondrée sans doute quelques siècles après la cérémonie funéraire. Et donc il a fallu fouiller tous ces sédiments effondrés. On a retrouvé des traces des aménagements en bois, du plafond, etc. Et puis jusqu'à dégager le dépôt funéraire donc en place sur le fond de la sépulture. Patrick Pion, l'individu reposait sur son char. Une coutume liée aux élites dans le monde celtique? Mais alors là, il faut remonter, je pense, un peu plus loin. Allez, 8e ce qu'il faut savoir, siècle, non, siècle. Encore plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le char, c'est pas seulement une caisse et des roues, c'est un attelage. Ce sont des animaux pour le tirer, généralement des chevaux, et donc des animaux qu'il faut dresser, qu'on va élever pendant longtemps, qui ne sont pas directement utiles et qui représentent un investissement à long terme. Donc très tôt, dans les cultures du Proche-Orient notamment, le char va être la représentation d'un statut généralement lié à la guerre. Alors, on a plein d'exemples dans les bas-reliefs égyptiens, Ramsès, les peuples de la mer, etc., enfin de grandes batailles. On a des exemples à Sumer, etc. Donc on ne peut pas dire que le char soit l'expression culturelle privilégiée des tombes de l'élite celtique. Cependant, les chars de cet ensemble qu'on appelle celte présentent des particularités, notamment au premier âge du fer. Ce ne sont pas du tout des chars de guerre, mais des chars à quatre roues qui sont plutôt des chars de présentation extrêmement décorés, aussi bien la caisse du char elle-même que tous les éléments de harnachement. Et puis, au basculement entre le premier âge du fer et le deuxième, autour de 500, on voit ces grands chars à quatre roues disparaître et être remplacés par des chars à deux roues, qu'on a pensé être pendant longtemps des chars de guerriers, mais il s'avère, d'après les études les plus récentes, qu'en fait, ces chars à deux roues sont équipés de petits coffres, de choses diverses, qui montrent qu'on n'est pas directement dans la guerre, mais dans quelque chose qui est encore de l'ostentation, sous des formes différentes des chars plus anciens. Bastien Luby, votre char, il a quatre roues ou deux roues, il est d'apparat ou il est de guerre ? Alors, effectivement, on aurait plutôt affaire à un char à deux roues, donc ce qui verserait plus cette découverte dans la culture du deuxième âge du fer. Donc, c'est un char très peu décoré, effectivement, avec des bandages de roues très fins qui sont taillés pour la vitesse. Donc, en termes de décor, on a quelques pièces en bronze, mais ça reste très sobre. On a des raisons de penser également que ce char est démonté, que les roues sont placées contre les parois. On a trouvé l'une d'elles retombée sur le défunt, par exemple. Et puis, à l'intérieur donc, de cette chambre, tout d'abord, un chaudron, un énorme chaudron en bronze. Oui, alors c'est la pièce maîtresse du dépôt funéraire. C'est le premier objet en fait, qu'on a trouvé dans cette fouille. Un chaudron de très grande taille, il fait plus d'un mètre de diamètre. Donc, il faut imaginer une contenance peut-être de 100, 200 litres ou plus. Et puis, c'est aussi un chaudron très décoré. Dominique Garcia, puisque vous êtes en ligne, ce chaudron est décoré de têtes d'Achillos, c'est bien ça ? Oui, on a quatre représentations de ce dieu fleuve donc, qui sont finement représentées sur ce chaudron. Et les têtes d'Achillos, donc le dieu fleuve, sont entourées de deux têtes de félins, très probablement des lionnes, donc une expression à la fois orientalisante et puis des images fortes liées à des cultures méditerranéennes. Alors, le dieu Achillos, c'est par exemple le dieu fleuve que l'on retrouve dans certaines tombes de Tarquinia, en Étrurie, c'est par exemple la tombe des taureaux. On peut penser que ce grand chaudron est une production étrusque ? Alors, il faudra pousser un peu plus loin, peut-être, l'étude pour savoir exactement l'origine. On est dans une ambiance méditerranéenne, étrusco-grecque. Donc, Achillos, on le trouve dans le monde grec, on le trouve en Étrurie. Il est bien présent à Marseille, il est aussi présent en Pourias, la colonie grecque de Catalogne, et des ateliers capable de produire ce type de beaux chaudrons se retrouve en Italie du Sud ou en Étrurie. On va chercher un petit peu, on trouvera, mais il faut le voir dans une ambiance plus large du monde méditerranéen et pas tout de suite essayer de trouver un atelier précis. La deuxième pièce extraordinaire est une sorte de cruche, ce que l'on appelle une nonokwe, représentant une scène mythologique, Bastien Duby. Oui, effectivement. Donc, ce dépôt funéraire, il comprend en fait 12 pièces dédiées au banquet et donc à la boisson. Et parmi ces pièces, on a une onokoé, donc une céramique à figure noire, une céramique grecque avec un panneau qui met en scène probablement Dionysos, accompagné d'un personnage féminin, Ariane ou Déméter, et puis un troisième personnage qui semblerait jouer de la musique. Donc, voilà, plutôt une scène de banquet. Dominique Garcia, on peut penser que ce vase, cette onokoé, qui est grosso modo une figure noire d'après mes souvenirs, vient directement de Grèce, voire peut-être même d'Athènes ? Ah oui, on est là dans le cadre d'une figure attique, les dernières productions de figure attique noire, donc on est essentiellement une production du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, une production grecque sans contexte. On pourra connaître par exemple son atelier, le nom du peintre ? Alors peut-être pas le nom du peintre, en tout cas faire des rapprochements avec d'autres pièces de ce type-là qui ont été répertoriées. Oui. Et d'ailleurs, je crois que des pièces très très proches ont déjà été trouvées, non pas en France, mais en Allemagne. Alors, on a des productions à figure noire attique qui ont été diffusées vers effectivement le monde méditerranéen et vers le monde celtique. On a effectivement quelques petites pièces de ce type-là qui ont été retrouvées en Allemagne. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Le pied et la lèvre de la céramique, donc issue de Grèce, auraient été par la suite redécorés d'or pour avoir encore plus de valeur. Nous voici devant une sorte d'archéologie du bling-bling, le mauvais goût barbare, Patrick Pion. Puisque vous travaillez sur ces sociétés-là, la question est forcément pour vous. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est bling-bling, mais ce qui est évident, c'est que ces importations grecques ou étrusques ne sont pas des importations faites au hasard, d'une part. Il s'agit d'une sélection d'objets dont les fonctions et le contexte d'usage existent déjà dans les sociétés indigènes, mais que dans le cadre de ces cadeaux diplomatiques, en fait, on fait des objets qui sont spécialement destinés au goût local, au goût indigène. Et on n'a jamais vu un grec consommer en utilisant des énochoé décorés de rubans d'or, que ce soit pour le pied ou que ce soit pour le bord. Le cratère de Vix, par exemple, pour citer une tombe découverte il y a une cinquantaine d'années, à quelques 1953. Kilomètres... Merci. À 50 kilomètres de distance, c'est le cratère attique le plus grand jamais connu. On n'a jamais trouvé aussi grand, aussi bien en Grande Grèce qu'en Attique même. Donc ce sont certainement des objets qui sont fabriqués spécialement à destination d'un client particulier. Alors le vase, cette fameuse eunochoé du prince de Lavaux, elle aurait été dorée en Grèce ou elle aurait été redorée par les Gaulois ? Est-ce que l'on peut avoir une idée ? Est-ce que vous avez une idée, Patrick Pion ? Alors, sur le moment, quand j'ai vu les premières photos, j'ai pensé à un bidouillage indigène, comme on en connaît ailleurs, qui peut être assez remarquable, hein, par ailleurs. Quand je dis bidouillage, c'est pas du tout péjoratif. Et puis, quand j'ai vu de près le matériel dans la tombe, j'ai changé d'idée. Il y a un travail derrière, hein, qui est un travail assez extraordinaire et qui rappelle vraiment ce qu'on connaît en Orient, d'un côté, au Proche-Orient d'un côté, en tout cas beaucoup plus à l'est, ou éventuellement en Espagne. Et notamment, il y a un décor en filigrane de méandre qui rappelle étrangement ce qu'on connaît sur le torque de Vix, d'une part, à la base des petits pégases qui ornent la base du torque avant les tampons, et qui rappelle également le décor des perles, des boucles qui ont été découvertes tout à fait récemment dans une tombe princière allemande à côté de Ordon. À la Hunebourg. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons la découverte d'une tombe princière celtique datée du 5e siècle avant notre ère à Lavaux, dans l'Aube, avec Bastien Dubuis, Patrick Pion et Dominique Garcia, respectivement archéologue, directeur scientifique et président de l'INRAP, l'institut public qui vient de fouiller cette tombe tout à fait exceptionnelle. Le vase grec représente deux personnages, Dominique Garcia. Peut-on y voir le mythe d'Ariane et de Dionysos, Ariane abandonnée de Thésée? Alors on y voit clairement Dionysos, là c'est indéniable. Ariane c'est une hypothèse, puisqu'on la retrouve là, on trouve une figure féminine sous un arbre. Mais ces images mythologiques et cette culture grecque qui nous impressionne énormément, nous impressionne peut-être un peu trop dans la lecture de cette tombe. Cette eunochoé, c'est avant tout, et elle est ici bien contextualisée, un vase à puiser et à redistribuer la boisson. Et on le devine aujourd'hui, et les Celtes de Lavaux l'ont rapidement compris. Les ajouts d'or et d'argent, Patrick Pion en parlait il y a 2 minutes, en font là aussi, de façon universelle, un vase précieux, rare, un bien de prestige. Et les images, Ariane peut-être, Dionysos de façon claire, peuvent être expliquées, lues, partagées, peut-être même assimilées à des mythes locaux. Donc je crois qu'il faut le voir dans l'ensemble. Avant tout, on a un service à boire de prestige, et un service à boire de prestige qui peut-être raconte des histoires aux populations locales. En oui, tout cas, vous, l'ensemble... Vous pensez... Comment ? Vous pensez que les Gaulois ou les Celtes pouvaient comprendre ces scènes mythologiques ? Ben je crois qu'on peut les lire et on peut en tout cas les raconter, on peut les accompagner. Ces objets ne sont pas arrivés là par hasard. Ils n'ont pas été utilisés à contresens. Ils ont gardé leur caractère prestigieux et symbolique. La preuve, c'est dans une tombe, espace symbolique, qu'ils ont été rassemblés, voire même mis en scène. Donc, il n'est pas impossible que l'histoire qui y est associée soit représentée sur le Nokoé ait été comprise, lue ou interprétée par les populations locales. Sur d'autres sites méridionaux, mais en contexte indigène, on a aussi des représentations qui ont été sélectionnées. On sait à qui on s'adressait, on sait les images que l'on diffusait, et peut-être ces images étaient lues, et interprétées, échangées. C'était peut-être un élément de rencontre entre les populations grecques et les populations indigènes. Patrick Pion, cette Nokoué, ce chaudron, aurait-il pu être rempli de vin, de bière, voire d'hydromel ? Alors là, c'est tout un débat. On a souligné depuis longtemps, les anthropologues notamment, l'importance des boissons alcoolisées dans ces consommations ostentatoires de type banquet, plus ou moins large, plus ou moins ouvert à une population large ou sélectionnée. Et pour savoir précisément ce qui était consommé par les Celtes dans ces vases, on a trois pistes. On a la piste du vin, la piste de boissons alcoolisées autres, voire encore autre chose. Si c'est du vin qui est consommé, les seules régions qui produisent du vin à cette époque-là, ce sont la Grèce, l'Étrurie et un peu l'Espagne. Et donc on devrait retrouver les containers de ce vin, à savoir les amphores. Or on en connaît finalement très très peu. D'où l'hypothèse que ce sont d'autres boissons alcoolisées qui sont consommées dans ces vases. Et on a là un bon exemple, celui de Hordorf. Le chaudron a été, le contenu du chaudron a été analysé et a livré une quantité absolument incroyable de pollen, de fleurs qui fleurissent à différentes saisons. Et pour expliquer la présence de ces pollens, la façon la plus plausible de le faire, c'est de penser à du miel, parce que les abeilles butinent toutes fleurs en toute saison. Donc miel. Miel, fermentation liquide, on pense évidemment à l'hydromel. Dominique Garcia, que cherchent ces sociétés méditerranéennes, grecques ou étrusques, dans ces contrées septentrionales ? Du commerce ? On est là dans un moment où l'Europe commence à faire bloc, où les populations, le terme de proto-histoire que l'on emploie pour qualifier cette période, là prend tout son sens. On est à un moment où les populations historiques, les sociétés étrusques, grecques, entrent en contact avec les populations locales. Marseille est fondée en 600, mais devient réellement puissante après ce qu'on appelle la bataille d'Alalia, peut-être même la chute de Phocée. Donc c'est vers les années 530-510 que Marseille acquiert une certaine importance, connaît un développement démographique et va se tourner en fin de compte vers son arrière-pays large, donc l'Europe centre-occidentale, pour commercer. On en connaît des traces abondantes en remontant la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Et ensuite, on a... ce bloc, cet ensemble de ce que l'on appelle, le terme paraît bon, des principautés celtiques. Donc on est là vers la Bourgogne, vers la Champagne, dans les secteurs où nous sommes, et puis on peut aller vers une partie de l'Allemagne, de Bourges, on va dire, jusqu'au Danube. On peut avoir ce type de principautés qui jouent un rôle un peu d'interface. Elles ont un rôle d'espace émergent entre les populations méditerranéennes au sud, qui sont les sociétés classiques qui produisent, et les rives de la Baltique, les rives de l'Atlantique, où l'on trouve des produits précieux, l'ambre ou l'étain, par exemple. Donc ces sociétés celtiques du centre de l'Europe vont acquérir un rôle important, un rôle géopolitique essentiel, jusqu'au milieu du 5e siècle, à partir des années 450, on va voir sans doute ces principautés s'effondrer, suite probablement à des modifications dans le monde méditerranéen, et notamment un commerce qui se fera plus vers les voies maritimes et vers le reste de la Méditerranée que vers l'Europe centrale. Bastien Dubuis, le prince de Lavaux repose sur son char à deux roues. Quels sont ses objets personnels, les objets qui l'accompagnent? Une épée, un torque? Alors effectivement, le défunt, si tant est qu'il s'agit d'un défunt et pas d'une défunte, est richement paré. Donc en dehors de l'emplacement du char, on a retrouvé les restes d'un couteau ou d'un poignard dans son fourreau. C'est l'attribut du chef de clan, du chef de famille. Et puis donc sur le défunt lui-même, beaucoup d'objets de parure, à commencer par un torque en or, donc un torque massif hein, qui pèse plus de 500 grammes, qui est décoré de petits monstres ailés, qui est terminé par des tampons piriformes. Donc il ressemble par certains aspects au torque de Vix. Et il y a à des torques qu'on va retrouver en fait vers le milieu du 5e siècle avant notre ère. Ensuite, on va trouver deux bracelets en or, donc un à chaque poignet. On va trouver un brassard en lignite au bras gauche. Et puis, tout un petit fourniment, donc des agrafes en fer et en corail. Pour faire de Méditerranée. Pourquoi pas. On a également de l'ambre. Hein. On a des perles en ambre retrouvées derrière la nuque. Au niveau des pieds, on va trouver des petites boucles en bronze, des passe-lacets. Au niveau des matières organiques, on a des traces de cuir au niveau de la poitrine, au niveau du bassin. Donc un costume a priori très élaboré, très décoré, qui montre vraiment la richesse de et l'importance de ce personnage. Peut-on imaginer découvrir par exemple des tissus comme il en a été trouvé dans la tombe du prince d'Ordorf? Oui, on a trouvé des tissus, en particulier au niveau du chaudron. On a notamment du tissu qui est conservé de manière intègre, c'est-à-dire qu'il a gardé sa souplesse, sa couleur. Il a gardé également son décor peint. On a des traces de peinture noire dessus. Et puis en dehors, on suppose que ce tissu pouvait servir à protéger, à emballer certains objets comme le chaudron. On n'a pas de traces de tissu sur le défunt. J'ai dit tout à l'heure qu'on a plutôt des traces de cuir en réalité. Il serait habillé de cuir, donc, avec des agrafes. Voilà, au moins en partie. Ça doit nécessiter des conservations absolument et des restaurations absolument énormes. Oui, alors on a été obligé de prélever certains éléments en bloc, hein, de manière à pouvoir faire des radiographies, des opérations de conservation. Il faut savoir que le squelette lui-même n'était pas très bien conservé, et c'est ce qui nous empêche à l'heure actuelle de définir vraiment le genre du défunt. Il nous faut les comparer, il faut nous comparer cette tombe de Lavaux donc, avec les rares sépultures princières découvertes en France ou en Allemagne. Vix, Ordorf, Reinheim, Patrick Pion, comment on est dans un même ensemble de toute manière et c'est à peu près toujours les mêmes types de production locale et objets ostentatoires diplomatiques? Voilà, alors on a un grand ensemble au 6e et 5e siècle qui couvre le nord des Alpes et où on a ces manifestations avec des tombes qui ont des dépôts funéraires assez extraordinaires, extrêmement riches et qui a une certaine unité sur le plan culturel. Cela dit, ce phénomène dit princier n'est pas le seul au même moment, car si on regarde d'un peu plus haut l'ensemble de la Méditerranée, on s'aperçoit qu'il existe des manifestations tout à fait comparables autour de la mer Noire d'une part, au Kuban notamment, les sites, dans également les Balkans et en Espagne. Donc en fait on a un phénomène qui apparaît avec des manifestations différentes dans les détails tout autour des rivages nord de la Méditerranée et quand on se pose la question du moment où cela intervient, on se rend compte que ça coïncide avec les fondations des grandes colonies grecques en mer Noire et en Méditerranée. Donc il y a un rapport très très étroit entre l'émergence de ces systèmes princiers et cette colonisation grecque et les rapports qui s'instaurent entre ces populations. Merci beaucoup et bien sûr tenez-nous au courant, j'imagine qu'il va y avoir de longues années d'études et bien sûr par force de très nombreuses découvertes encore autour de cette tombe princière de Lavaux. La semaine prochaine, le Salon Noir se déplace dans les entrailles de Paris, le charnier des caves du Félix Potin. Partenaire du Salon Noir, la revue Archéologia consacre son numéro de mai aux destructions massives des œuvres archéologiques. L'iconoclasme qui sévit au cœur de l'Irak, à Mossoul, Ninive Yves Attra, tandis que le choix de la rédaction se porte sur la préhistoire de l'Atlantique au travers d'une interview de Grégor Marchand. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bruno Gagnère-Fontani, attaché d'émission Catherine Denet. Mais tout de suite, Noir, le Salon Noir cède la place aux Nouvelles Vagues de Marie Richeux, encore plus noir que le Salon Noir.